chagrin de sable est un enfer. J'y oublie mes prières, de peur que demain soit pire qu'hier. Je traverse le désert, à chaque pas je mords la poussière. Et il faut rester fier, sinon la vie te fait payer cher. Et même si tu es dans mon cœur, je marche seul. Des souvenirs rappellent ton bonheur quand on marche seul. Je traverse le désert, il n'y a pas de route, alors ici gère. J'y oublie tous mes pères, si je m'écroule, je vais crever par terre. Je traverse le désert, l'eau qu'on y trouve est loin d'être claire. Mais il faudra s'y taire, et tous les jours croiser le fer. Et même si tu es dans mon cœur, je marche seul. Et que saignent les douleurs quand on marche seul. Le désert, chagrin de sable est un enfer. J'y oublie mes prières, de peur que demain soit pire qu'hier. Et même si tu es dans mon cœur, je marche seul. Des souvenirs rappellent au bonheur quand on marche seul. Et même si tu es dans mon cœur, je marche seul. Et que saignent les douleurs quand on marche seul.